Bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission estivale de Rock de Neurones. Vous êtes à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, nous allons faire une rétrospective des albums qui ont marqué les six premiers mois de 2024. Et on va entendre 12 groupes qui nous ont servi de très bons albums. On aura Alejandro Matos d'Argentine, Fouette de Finlande, Amarok de Pologne, Makiev Meller de Pologne, Carfagen d'Ukraine, Monkey Tree de Suisse. On aura la formation multinationale de Samurai of Prague. Ça sera suivi de Neil Morse, Drifting Sun, et on va consacrer le dernier bloc de l'émission aux Italiens Les Ormés, Baroque Project et Luovo di Colombo. Alors, on débute avec Alejandro Matos d'Argentine avec un extrait de Carnaval de las Victimas. Ça, c'est son cinquième album studio. Et ensuite, on se dirige du côté de la Finlande avec un nouveau groupe du nom de Fouette et un extrait de leur premier album Subliminal Messages. Et on va terminer le premier bloc avec Amarok de Pologne qui nous ont livré Hope, leur septième album en carrière. Alors on débute ça avec Alejandro Matos d'Argentine. Están los que pisan la línea y lo gritan bien fuerte. Están los que pisan la línea y ni lo mencionan. Pero la gran mayoría cruza la línea con miedo. We'll be right back. renaceso. El mismo fuego que los consumió desidias que suben a arengar una batalla moral de odios y lágrimas. Solo sabrán matando sueños, creen respirar, juran que un día la luz se hará y solo los justos prevalecerán. Vuelan alto, ocultando el temor, alumbrados por su pobre ficción. lies beneath the stars, on a bed of nails, hiding a lingering pain. Not to feel proud, but for once to feel alive, sitting on the edge of a cloud, sitting on the edge of a cloud. See the smiling children walk by, avoiding all those spaces, attempting to hide the bruises. Behind the tear-stained face, the mind starts to wonder how it would look like from above. Clouds. Imagine a place in some other time with songs of joy and sweet harmony. The endless pain of a faceless crime, nobody cares or finds the time. Alone in the crowd, no chance to see the difference while sitting on the edge of a cloud. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Je vous rappelle que vous écoutez une émission spéciale de Rock de Neurone qui est consacrée à nos albums préférés de 2024. On débute ce deuxième segment avec le guitariste du groupe Riverside. Son nom, c'est Maciej Meller, qui a sorti en 2024 un très bon album qui a été enregistré en spectacle. Et l'album s'intitule « Life After Zenith ». C'est une musique passablement différente de ce qu'il joue avec Riverside, dans le genre plus soft, disons. Ensuite, ce sera au tour du très prolifique groupe Carfagen, qui nous vient d'Ukraine, qui nous a servi un 20e album depuis leur début en 2006. L'album s'intitule « Messages from Afar, The Working Tapes ». Et on va conclure ce deuxième segment de l'émission d'aujourd'hui avec « Monkey Tree » de la Suisse et un extrait de « Welcome to the Machine », leur 7e album en carrière. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, je vous rappelle que vous écoutez une émission spéciale de Rock de Neurones consacrée à mes albums préférés des 6 premiers mois de l'année 2024. Alors, je débute ce troisième bloc avec un habitué de l'émission. Il s'agit de la formation multinationale de Samurai of Prog qui vient de faire paraître A Quiet Town. Ça, c'est un 18e album en carrière. Ça sera suivi d'un autre artiste prolifique, un Américain cette fois. Il s'agit de Neil Morse qui, en plus de faire une carrière solo, fait partie de groupes majeurs comme Spock's Beard et Transatlantic, pour nommer quelques-uns. Maintenant, à titre individuel, il vient de lancer Joseph Part 2. Nous allons terminer ce troisième segment avec Drifting Sun, une formation multinationale qui fait dans le néo-prog, et on va entendre un extrait de leur 8e et plus récent album, Veil. Thank you. In other words, from the first standpoint, the worst is going to happen. You're all going to die. Food. There's a drought in the land and it's spreading out far and wide. Father, there's no water here. We must leave. There's no way and to stay. Swore I'd never leave here. But there's no water here. We must leave. There's no way and to stay. We shall have to leave here. And where shall we go? And what shall we do? There's no other way. Tell me, Father. There's no food here. There's people no rain. There's no other way. We shall have to leave. There's no food here. There's people no rain. Where do we go? What do we do? People say it doesn't matter anyway. Boys, I hear them baby bread. We can buy it. We're stored by the Lord of the Pharaoh. I don't think that we should go. We are hated in Egypt. Who knows what they'll do to us? I don't think we should go. It's a long, long road. Go buy what we need. Bring back grain and seed. Look after each other and take it easy on the road. I've lost a son before. I couldn't stand to lose anymore. Father, peace to you shall come. reaching out far and wide. Well, comes back soon, and travel sage. I will pray every day you'll return and be satisfied. Comes back far. Come back before too long. he gazes from afar, with so much fear in his eyes. Now she lights the sky at night to warm her lover's heart, but come the dawn she'll be gone. He will never walk away from the demons of his past, and his life slips away. Thousand tears shed from the moon, yet they won't bring him back to the heaven they knew. Shining in the black sky, cast away from paradise, our sins are calling. Now she's gone too late to cry. He sent away the archer on a mission for the good, but the sun kings wouldn't yield to the fearsome god's demand. There's nothing left to hope for, now he's treading past the point where no matter what we give, our own fate is set in stone. Écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute d'une émission spéciale de Rock de Neurones qui est consacrée à nos albums préférés des 6 premiers mois de 2024. Je dédie cette dernière portion de l'émission à 3 nouveautés italiennes et on débute avec Les Ormées et 2 extraits de leur 23e album depuis 1969. L'album s'intitule Il Leone e la Bandiera. Ça sera suivi de Baroque Project et le très attendu Time Voyager. C'est leur 7e album depuis 2007. Et en conclusion, nous aurons L'Uovo di Colombo avec Schiavi del Tempo. Ça, c'est un nouvel album qui contient une réédition de leur seul album studio paru en 1973, c'est l'album éponyme, et on y ajoute aussi quelques nouveautés. J'en ai extrait la pièce Enja, ça c'est une de mes préférées, et ça termine cette émission spéciale consacrée à mes coups de cœur des 6 premiers mois de 2024. Come un'antica dea what I discover. At the end it exists, and it's nothing like you seem to think it is. Please look no further, nothing's beyond your reach. Now we've found our cover, our final piece. It's not forever, your desperate plea. You never seem to get no release. Why does the summer surrender to the breeze? We always arrive just in time, it seems. We ask for borders, which we know we don't need, when there's so many days that we cannot see. I stumble blindly, what madness this is, when everybody can see what it means. Piccola ma è fatta come me. La vedo grande, seduta accanto a me, padrona delle cose intorno a sé. Porterà nei miei pensieri la dolce ora di ieri. Saprà quello che ho fatto, vivrà solo per questo e avrà per nome Ania. È proprio vero, creata io, allora è vero che su- somiglio a Dio. Posso volere, se dare vita o no, ad una cosa che somiglia a me. Vivono dai miei pensieri tutti i sogni di ieri, e se primo pianto oggi io mi vanto, perché io sono l'uomo. D'entendre, c'était le groupe italien Luovo di Colombo avec la pièce Enja tirée de l'album Schiavi del Tempo qui est paru en début d'année 2024. Avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les jeudis de 11h à 13h. Ça, c'est toujours sur les ondes de Cifou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. De plus, l'émission est disponible sur Internet à partir du site web de SoundCloud. Je vous rappelle aussi que la feuille de route de l'émission est disponible sur notre page Facebook et qu'en plus, je diffuse une infolettre hebdomadaire que vous pouvez obtenir en m'en faisant la demande en privé. Ça, c'est toujours sur la page Facebook de l'émission. Alors, j'espère que vous avez aimé la programmation d'aujourd'hui qui a été consacrée aux meilleurs albums des 6 premiers mois de 2024. Et c'est Jimmy Farley qui vous invite à nous revenir en septembre pour le début de la 12e.